dédicace à cousine. Bon alors, vite fait, avec autant d'engouement. Par contre, on va vous faire un big morceau de ska, ok ? Spécial, dédicace à Marie-France. Par contre, là, je veux voir tout le monde, même dans le fond, là-bas. Sur place, 3, 2, 5, 6. Monique et Eric se sont rencontrés au bal. Eric l'invite à danser un skate la balle. Dans sa tête t'es maté, maté, maté, maté. Il faut qu'il n'ait pas de panique, il connaît ses répliques. La douceur de la nuit et puis des vagues. Et que repenser à toutes ces femmes qui lui ont montré son panoramique. Toutes les Chantal, Mireille et blablabla. Monique le subit dans sa savane. Eric se gare sur un parking peu banal. Pour moi la carré veut le trafic des flics. Police, montrez-moi vos papiers, carte d'identité fermée. Oh police, vos papiers s'il vous plaît là, vos papiers là, oh. Et enculé, on les a pas nous. Hey, hey. Dès que fait partie, il faut trouver un lit. Rico repense à retourner tout de suite chez lui. Sur la route de la musique, elle promet jamais. Le rétro mal réglé pour voir son décolleté. À peine garé, il sort déjà ses clés. Monique est parti se repoudrer le nez. Un peu de chatine sur un pont acoustique. Son lit au carré, genre il est bien ordonné. Ils perdent pas de temps direct dans la chambre. Ils sont motivés pour une partie de chambre. Et voilà qu'arrive la moteur d'Eric. Ils sont en panique, arrêtez donc vos pratiques. Ah mais mes enfants, est-ce que vous avez mis un préservatif au moins? Eh ouais, on en a les capotes. Alors on se quitte là-dessus. Foutez bien le bordel toute la soirée. Vous êtes là pour ça. Hey, hey, hey, hey, hey. Ciao, bon bye bye, faites la tête, faites du bruit.